ciel se déploie en nuances azurées. Les vagues me murmurent des secrets oubliés. Le sable chaud glisse entre nos doigts fatigués. Le temps suspend son vol, nos âmes apaisées. Chaque souffle emporte un rêve léger. Sous cette lumière qui sait tout effacer. Les ombres s'étirent, la chaleur se fait reine. Ici le silence chante sa rengaine. Les feuilles frémissent sous un souffle discret. Le monde s'efface, la nuit est un secret. Un chant d'espoir dans la brise tiède. Où chaque instant doucement se déplie. Le souffle du vent emporte les douleurs. Les ombres dansent avec nos peurs. Mais ici, sous ce ciel apaisé, on trouve enfin la liberté. Les nuits s'étirent sans fin, sans mémoire. Les rêves se perdent dans le noir. Mais dans ce calme retrouvé, nos âmes viennent se reposer. We ride the shadow waves coming slow. Letting all the worries go. We float, we dream beneath the night. Wrapped in soft and tender. Les pas ralentissent, le monde s'éloigne. Les voix se perdent, la brise nous soigne. Un murmure d'eau caresse les paupières. Un instant fragile, suspendu dans l'air. Les cœurs battent au rythme des marées. Les souvenirs dansent, doucement balayés. On se perd dans ce flot apaisé où la lumière aime s'étirer. Les ombres glissent sur la peau dorée. Les heures s'effacent, le temps est léger. Un souffle chaud caresse la peau. Sous ce ciel où tout devient plus beau. La lune veille, complice éclair. Elle éclaire nos rêves éphémères. Les souvenirs glissent dans la nuit. Comme des éclats de mélancolie. Mais le présent apaise le cœur. Offrant enfin un peu de bonheur. Les mots se perdent. Mais le silence parle dans cette nuit. Où rien ne s'emballe, on trouve la paix. Au creux du temps, dans ce souffle doux et apaisant. We ride the shadow waves, calm and slow. Letting all the worries go. We float, we dream beneath the night. Wrapped in soft and tender light. Let the past fade, feel the calm that can't be swayed. Here in silence, find your peace. Let the storm inside release. Let your soul release its chains. Dissolve all fears and pains. In this moment, pure and true, find the light that's inside you. Softly now. Qui nous délivre, on avance sans peur, sans poids, vers un